بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on continue aujourd'hui le cours numéro 48 dans l'explication du livre Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان Cheikh Mohammed Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan حفظه الله تعالى. Et aujourd'hui, on commence par l'explication d'un hadith, d'un verset. En fait, c'est un hadith qui explique un verset. Donc, il y a les deux dedans. On est rentré dans une nouvelle section, comme j'ai dit hier. Dans cette section, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il mentionne le fait que le wali d'Allah, il n'est pas nécessairement infaillible, c'est-à-dire ce n'est pas une condition pour être un wali que quelqu'un soit infaillible de faire des péchés ou qu'il soit infaillible de faire une erreur ou d'oublier, hein, comme chez les soufis ou chez les shi'as, al-rafida. Ils pensent que le wali, lui, il est infaillible, il ne peut pas se tromper, il ne peut pas oublier, il ne peut pas faire d'erreur, hein, Allah musta'an. Donc, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il mentionne les preuves dans le Coran et dans la Sunna que les awliya, ils peuvent se tromper, ils peuvent faire des erreurs, ils peuvent oublier et qu'ils ne sont pas infaillibles. Et on a mentionné déjà des preuves hier dans le Coran, des versets et des explications, et on continue dans cette explication-là. Le Cheikh, il dit maintenant fafi sahih muslim an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala لما نزلت هذه الآية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخلها قبل ذلك شيء أشد منه. Donc ici le cheikh il cite donc ce verset parce qu'on expliquait hier le verset des versets qui sont à la fin de sourate al-Baqara dans le dua, hein? Donc Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, et ainsi de suite. Oh Allah, ne nous prend pas pour compte si on oublie ou si on fait des erreurs. Et Allah, on avait mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à ce sujet-là que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à la fin de ce dua qad fa'alt, c'est-à-dire je l'ai fait, je vous ai exaucé, hein? Je ne vais pas vous prendre pour compte pour ce que vous faites comme erreur ou comme oubli, hein? Ici il dit que dans Sahih Muslim, il dit qu'Abdullah ibn Abbas a mentionné lorsque le verset 284 a été révélé dans Surat al-Baqara, le verset qu'on a mentionné hier, Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, c'est à Allah qu'appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah, et que vous divulguiez ce qui est en vous-même ou que vous le cachiez, eh bien vous aurez des comptes à rendre à Allah pour ces choses-là. فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. Donc il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Et Allah a le pouvoir sur toute chose. Puis ensuite, il y a les autres versets. أَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ. Et jusqu'à la fin de la sourate, le shaykh il dit, قال دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلْهَا قَبْلَ ذَلِكَ شَيْءٌ أَشَدُّ مِنْهُ. Donc, lorsque les sahaba, certains d'entre eux ont entendu ce verset, il y a quelque chose qui est rentré dans leur cœur, hein? Il n'y avait pas quelque chose de plus dur que ça qui était rentré dans leur cœur auparavant. C'est-à-dire qu'ils ont entendu ce verset-là, ils ont vraiment eu peur. Ils ont eu peur. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala leur dit dans ce verset-là, yani, si vous divulguez ce qui est en vous-même ou que vous le cachiez, vous allez être jugé par Allah pour ça. Hein? Donc, les croyants, ils ont dit, subhanallah, même qu'est-ce qu'on cache en nous-mêmes, et qu'est-ce qu'on a en nous-mêmes, si on le divulgue ou on le cache, Allah il va nous juger pour ça. Donc ils ont trouvé ça très très difficile. Et c'est ça que le Cheikh Al-Fawzan il explique maintenant. Il dit à propos de ce hadith qui est rapporté par l'imam muslim, selon Ibn Abbas, il dit لما نزل قوله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله, يعني شق ذلك على شق ذلك عليهم مشقة عظيمة أن الله يحاسبهم عما في ضمائرهم وعما في نفوسهم, وهذا صعب صعب جدا, وجثوا على الركب, يعني جثوا على الركب وقالوا كلفنا من العمل ما نطيق فأطعنا, ولكن هذا لا نطيقه, ما جاء في هذه الآية لا نطيقه أو لا نطيقه, وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله, هذا لا نطيقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا, بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Donc le Cheikh il dit, lorsque le verset est révélé 284, ça a été quelque chose de très très dur pour les croyants. Ils ont trouvé ça très lourd, que Allah allait les juger même pour ce qu'ils ont en eux-mêmes, dans leur âme, comme suggestion, comme tentation, comme pensée, comme idée, n'importe quoi. Donc ils ont eu peur de ça, et ils ont trouvé ça très très lourd, très dur. Ils sont tombés à genoux et ils ont dit, ô messager d'Allah, on a été chargé de beaucoup d'actions et beaucoup d'adorations qu'on est capable de faire, et nous avons obéi. Mais maintenant, là, Allah nous a ordonné ce verset, nous a révélé ce verset, et il dit, on n'est vraiment pas capable, c'est trop dur, on n'arrive pas, on n'est pas capable de le supporter, ça, c'est trop lourd pour nous. Alors ils ont dit donc que Allah va, qu'on divulgue ou qu'on cache qu'est-ce qu'on a en nous-mêmes, qu'on le divulgue ou qu'on le cache, Allah il va nous juger pour ça, il va nous demander des comptes. Il dit ça, on n'arrive pas, on ne le supporte pas, c'est trop. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Il leur a dit, voulez-vous dire à propos d'Allah et à propos de la religion d'Allah, voulez-vous dire la même chose que les gens du livre ont dit, sami'na wa asayna, nous entendons et nous désobéissons, plutôt dites, nous entendons et nous obéissons, pardonne-nous notre Seigneur, et c'est vers toi qu'est la destination ou le retour, al-masir, c'est-à-dire l'endroit où on retourne. Alors à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'ils ont dit sami'na wa ata'na, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala a révélé d'autres versets pour alléger la chose pour eux, par miséricorde pour eux, et par récompense aussi du fait qu'ils ont été obéissants, qu'ils ne se sont pas découragés, ils n'ont pas dit c'est trop dur pour nous, contrairement aux juifs, qui eux ils ont dit, Dieu nous a révélé trop des lois trop difficiles, on n'est pas capable. Alors ils ont baissé les bras et ils ont dit sami'na wa asayna, on entend et on désobéit. Alors Allah les a maudits à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas fait preuve de sincérité et de foi. Tandis que la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, khayru nas, khayru ummatin ukhrijat lin nas, la meilleure umma qui est sortie pour les hommes, eh bien elle, au lieu de dire on n'est pas capable, ils ont dit sami'na wa ata'na, on entend et on obéit, et Allah les a pardonnés. Donc le Cheikh dit, fa'inda dhalik anzala Allahu qawlahu azza wa jal amana ar-rasulu bima unzila ilayhi من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Les piliers sont mentionnés dans ce verset-là. آمن الرسول بما فعند ذلك أنزل الله قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. Donc les piliers sont mentionnés, c'est-à-dire il y en a des piliers qui sont mentionnés, mais c'est pas tous les piliers, les 6 piliers qui sont mentionnés, tu vois. Donc les autres piliers, ils sont mentionnés dans d'autres versets, hein? Donc, et dans le hadith il y a la mention des 6, et dans certains versets Allah il en mentionne quelques-uns, et dans d'autres il en mentionne d'autres. Donc ça c'est un exemple ici dans le verset, le cheikh il dit donc tu sais comment ça fonctionne? Tu l'as déjà utilisé? Ah non, c'est ça, je pense que laisse tomber, ça va partir tout seul, inchallah, on espère. C'est vrai, j'ai des fois ça m'arrive comme ça, j'ai un coup de fatigue qui me tombe dessus tout d'un coup là, puis c'est un peu lourd, mais après ça se dissipe doucement là, c'est juste il faut le combattre un peu là, le sommeil, la fatigue. Donc oui c'est ça. Ils ont dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, voulez-vous dire comme les gens du livre, qu'est-ce que les gens du livre avant vous, les chrétiens et les juifs ont dit, hein? Nous entendons et nous désobéissons. Dites plutôt nous entendons et nous obéissons. Eux ils ont dit nous entendons et nous désobéissons, et eux ils ont dit nous entendons et nous obéissons. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset 285 dans sourate Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cru en ce qui a été révélé sur lui de la part de son Seigneur, ainsi que les croyants. Ils disent tous, hein, ou bien tous, chacun d'entre eux, ont cru en Allah, son messager, ont cru en Allah, ses anges, ses livres et ses messagers. Et nous ne faisons aucune distinction, hein, ou nous ne faisons pas de distinction entre aucun d'entre ces messagers. Et nous disons, hein, ils ont dit, nous entendons et nous obéissons jusqu'à la fin du verset. Et donc il dit, ثم نسخ الله هذه الآية بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Donc ici le cheikh explique que ce verset, c'est-à-dire le verset 285 qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit le messager croit en ce qui a été révélé sur lui de la part de son Seigneur et ainsi de suite, tout ça a été abrogé par le verset qui dit la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a abrogé le verset suivant, le verset qu'on a lu 285 par le verset 286, le verset suivant la yukallifu Allahu nafsan. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala ne charge pas une âme, hein, ce qu'elle ne peut pas porter, ce qu'elle ne peut pas endurer. À elle laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Donc à elle ce qu'elle a acquise, cette âme, et contre elle ce qu'elle a acquise, c'est-à-dire ce qu'elle a fait comme péché. Donc ce verset vient abroger ce qui a été révélé avant. Et il dit فَتَكُونُ هَذِهِ الْآيَةِ نَاسِخَةً لِمَا قَبْلَهَا وبعدما أبدوا الاستعداد للقبول والإيمان بها وإن كان فيها مشقة عليهم الله عفى عنهم ونسخها. فقال عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Donc c'est ça, le verset il a été abrogé par le verset 286 à la fin de Surat Al-Baqarah. Donc on va lire ensemble donc ce verset, c'est parmi les derniers de Surat Al-Baqarah, dernière page. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité, elle sera compensée du bien qu'elle aura fait et punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur ne nous châtie pas pour ce qu'il nous arrive d'oublier ou de commettre comme erreur. Seigneur ne nous charge pas d'un fardeau comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Seigneur ne nous impose pas ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter, pardon. Efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde, tu es notre maître. Accorde-nous donc la victoire sur les peuples mécréants. Donc ça c'est, qu'est-ce qui est venu abroger l'autre verset qui parle de le fait que chaque âme sera, tenu pour compte et jugé pour ce qu'elle a, qu'elle a divulgué ou caché. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a fait preuve de miséricorde envers les croyants. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, donc Cheikh Ibn Taymiyyah il dit ensuite, فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا قال فألقى الإيمان في قلوبهم فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى قوله أو أخطأنا قال الله قد فعلت ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا وقال قد فعلت ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال قد فعلت وقد قال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى قوله أو أخطأنا قال الله قد فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قد فعلت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال قد فعلت قال وقد قال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. Donc le cheikh il mentionne, il dit comme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dites, nous entendons, nous obéissons et nous nous soumettons. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a jeté la foi dans leur cœur. Alors il a fait descendre le verset, il ne met pas une charge sur une âme, il ne met aucune charge sur une âme excepté ce qu'elle est capable de porter. Et il a mentionné le verset, puis après il a dit jusqu'au verset, jusqu'à la fin du verset où il dit « Oh, akhtana » Hein? C'est-à-dire, nous ne nous prenons pas pour compte pour les erreurs que nous faisons par oubli ou par erreur. Puis il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je l'ai fait. C'est-à-dire, je vous ai exaucé là-dessus. Ensuite, il a mentionné la suite du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, hein, il dit, ne nous charge pas un fardeau lourd comme tu l'as chargé ceux, hein, comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Il a dit, qad fa'alt. Il dit, je l'ai fait. Puis, ensuite, le verset, Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons pas, ce que nous ne pouvons pas supporter. Ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Et jusqu'à la fin du verset, il a dit, je l'ai fait. Donc ça veut dire, il a exaucé. Allah subhanahu wa ta'ala, il a exaucé dans tout ça. Puis il a cité le verset 5 dans Surat Al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala justement, il dit, il n'y a pas de mal pour vous, il n'y a pas de mal pour vous si vous faites, hein, il n'y a pas de mal pour vous dans ce sur quoi vous faites une erreur, hein, nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font délibérément. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Donc ce que vos cœurs font délibérément. Cheikh Al-Fawzan il explique maintenant. Il dit al-isr al-mashaqqa. Fa inna Allah 'aqaba bani Israil fa hamalahum al-mashaqqa. عقوبة لهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما نعم إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم كذلك زيناهم ببغيهم وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَلَمَّا تَعَنَّتُوا اللَّهُ حَمَلَهُمْ مَا لَا يَطِيقُونَ عُقُوبَةً فهذه الآية ها لما قالوا سمعنا وأطعنا خفف الله عنهم. Donc le cheikh il mentionne que al-isr ça veut dire la difficulté. La difficulté, qu'est-ce qui est lourd et difficile. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis donc cette difficulté-là sur Bani Israël. Il leur a fait porter hein, la difficulté par châtiment pour eux. Et il cite le verset 160 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie à cause de l'injustice des Juifs, hein, nous leur avons interdit, ou nous avons interdit pour eux toutes les bonnes choses. Nous leur avons interdit des bonnes choses qui étaient licites pour eux auparavant. Nous leur avons interdit des bonnes choses qui étaient licites pour eux. Donc, Allah les a punis en leur interdisant des choses licites. C'est ça que ça veut dire. Donc si c'est des choses qui sont bonnes, à la base c'est que c'est permis. Et si c'est des choses qui sont mauvaises, à la base c'est que c'est interdit. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que même des choses qui sont bonnes, il les a interdits à Bani Israël à cause de leur transgression. Hein? Allah al-Musta'an. Et l'autre verset qu'il cite, c'est le verset 146 dans Surat Al-An'am. Donc, on va lire ensemble ce verset. Il dit: Et aux Juifs, nous avons interdit toute bête à ongle unique. Et là, comme les chameaux. Et il dit ensuite: Des bovins et des ovins, nous leur avons interdit les graisses. Nous leur avons interdit les graisses, sauf ce que porte leur dos, leurs entrailles ou ce qui est mêlé à l'os. Alors, les avons-nous punis pour leur rébellion? Et nous sommes bien véridiques. Hein? Et nous sommes bien véridiques. Donc, ça, c'est les versets que le Cheikh Al-Fawzan il a cité. Puis il dit, lorsqu'ils se sont obstinés à refuser et à désobéir, Allah subhanahu wa ta'ala leur a fait porter ce qu'ils n'étaient pas capables de porter, par châtiment pour eux. Hein? Et donc, c'est pour ça qu'il dit, tandis que notre umma à nous, la umma de l'islam, eh bien, elle a pas dit ce que les Juifs avaient dit. Au contraire, on n'a pas dit nous entendons et nous désobéissons. On a dit nous entendons et nous obéissons. Et donc, à cause de ça, Allah il nous a allégé la religion. Donc, c'est ça le résultat. Si quelqu'un, lorsqu'il entend la loi d'Allah, il s'objecte, puis il commence à disputer, hein, au lieu de ça, il accepte, il se soumet. Allah subhanahu wa ta'ala lui fait miséricorde. Allah lui fait miséricorde. Donc le cheikh, il dit ensuite, en expliquant l'autre verset, il dit: Laysa alaykum junahan fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafuran rahima alladhi tata'ammaduhu al-qulub fihi junah walakin ma ja'a khata'an aw nisyanan fa inna Allah la yu'akhidhu هذه الأمة عليه رحمة بها وتخفيفا عنها لأنهم استسلموا وآمنوا ولم يعارضوا مثل ما عرض بنو إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا. Donc le cheikh il dit, il n'y a pas de mal, hein, il n'y a aucun problème pour vous dans ce que vous avez fait par erreur, mais par contre, c'est le tort ou le mal est uniquement lorsque vous faites quelque chose délibérément, hein, par votre cœur. Et Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Donc, celui qui décide de faire un péché dans son cœur, ou une erreur, ou une désobéissance, ou un oubli dans son cœur, hein, mais que il le fait délibérément, et c'est lui qui a commis un péché, qui a fait un tort. Hein, et donc, celui qui l'a fait par contre par oubli ou par erreur, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas lui demander des comptes par miséricorde. Et pour alléger et adoucir, son sort. Pourquoi? Parce qu'il s'est soumis. Il a cru et il ne s'est pas objecté ou opposé, hein, comme Bani Israël. Ils ont dit plutôt, nous entendons et nous soumettons. Le cheikh il dit ensuite, wa thabata في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وعمر بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ وإن أخطأ فله أجر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam que Abu Huraira radiyallahu anhu a dit selon Amr ibn al-As radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque le juge fait un effort d'argumentation ou un effort pour trouver la vérité, un ijtihad, et qu'il a la bonne réponse, il aura deux récompenses, et s'il a la mauvaise réponse ou qu'il se trompe, il aura une seule récompense au lieu de deux. Et donc ça c'est la preuve, le Cheikh Al-Fawzan il dit fadalla ala anna al-hakim yukhti wa anna al-mujtahid yukhti walakin لم ولكنه لم يتعمد الخطأ فلذلك عفى الله عنه. وأعطاه أجرا على اجتهاده فهذا من رحمة الله وفضله. والمجتهد المراد به العالم الذي بلغ رتبة الاجتهاد مع بلوغه رتبة الاجتهاد قد يخطي ولكن الله عفى عنه وكتب له الأجر على اجتهاده. أما من يقول من حق كل أحد أن يجتهد العمي والجاهل وكل أحد يجتهد فهذا ضلال والعياذ بالله. نجد الآن من يقول من حق كل مسلم أن يجتهد ولو كان جاهلا وعميا من حقه أن يجتهد وهذا ضلال مبين والعياذ بالله. الاجتهاد إنما هو من حقوق العلماء المتأهلين. المتأهلين في الاجتهاد كالأئمة الأربعة ومن شاكلهم ممن توفر فيهم شروط الاجتهاد في استنباط الأحكام. وهذا هو أعلى درجات الاجتهاد. هناك اجتهاد أقل منه في الترجيح. الترجيح بين أقوال العلماء يعرضها على الدليل فيأخذ ما ترجح بالدليل، هذا يسمونه الاجتهاد المذهبي، وهو الاجتهاد في الترجيح. اي نعم. Donc on va traduire ce passage. Il dit que il y a la preuve dans ce hadith que le juge peut se tromper et que le mujtahid il peut faire une erreur, mais il ne fait pas l'erreur par exprès. S'il fait une erreur, c'est par ijtihad. Par le fait de faire un effort pour atteindre la vérité, mais malgré l'effort qu'il fait, il n'atteint pas le jugement correct, donc il fait une erreur. Mais l'erreur qu'il fait, c'est pas volontaire, c'est pas parce qu'il veut propager une erreur ou faire une erreur. Contrairement aux gens de la bid'a, aux gens de l'égarement qui, eux, ils font l'erreur, mais c'est normal qu'ils font l'erreur parce que leur méthodologie elle est incorrecte et leur voie elle est incorrecte. Tandis que les ulama de la vérité, de Ahl-Sunnah, qui utilisent comme référence les bonnes références du Coran et de la Sunnah, eux, ils peuvent parfois se tromper, mais c'est des exceptions et c'est pas volontaire. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne. Et il leur donne une récompense malgré l'erreur qu'ils font pour leur ijtihad. Et ça, ça fait partie de la miséricorde d'Allah et de sa grâce. Et il dit, qu'est-ce qu'on veut dire par le mujtahid? Le mujtahid, c'est le savant qui a atteint le degré qui lui permet de faire l'ijtihad, c'est-à-dire de faire un jugement. C'est-à-dire de faire un jugement dans lequel il va faire un effort pour atteindre la vérité en se basant sur les règles et les principes de la charia. Et il dit, malgré qu'il a atteint ce degré très élevé dans la religion et dans la compréhension, dans les règles, il peut malgré tout se tromper. Mais Allah lui pardonne et il lui excuse cette erreur-là. Et il lui écoute et il lui écrit l'erreur, il lui écrit la récompense même pour son, malgré son erreur pour son ijtihad. Il lui écrit la récompense pour son ijtihad malgré son erreur. Tandis que celui qui dit, et ça c'est une da'wa qu'on entend aujourd'hui, le cheikh, qu'est-ce qu'il mentionne, il y a des gens qui disent oh, tout le monde a le droit de faire l'ijtihad. Il n'y a pas de différence entre les musulmans savants et les ignorants, tout le monde a le droit de faire l'ijtihad. Et le cheikh dit, ça c'est dalal, ça c'est de l'égarement total. Wallahu billah, c'est pas vrai. C'est pas tout le monde qui peut faire l'ijtihad et c'est pas tout le monde qui a le droit de faire l'ijtihad. Et il dit que nous on dit, donc le cheikh il dit, il y a des gens qui disent ça aujourd'hui, on trouve des gens qui disent ça, que tous les musulmans ont le droit de faire l'ijtihad, même si c'est un ignorant, un musulman du commun. Il dit ça c'est de l'égarement évident. Voilà, yazu billah. L'ijtihad c'est uniquement le droit des savants qui ont développé les aptitudes nécessaires et l'ijtihad. Et il mentionne comme exemple pour, parmi les ulama qui ont eu la capacité de faire l'ijtihad dans l'islam, les quatre grands imams des madahib, l'imam Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad. Et il y en a beaucoup d'autres aussi parmi les grands ulama qui ont atteint ce degré-là, comme Ibn Taymiyyah et d'autres également. Et donc il dit, ceux qui possèdent les conditions de pouvoir faire l'ijtihad et de pouvoir extraire des textes les preuves du Coran et de la Sunna, donc il dit ça c'est le degré le plus élevé dans l'ijtihad. Puis il dit que il y a d'autres degrés d'ijtihad qui sont plus basses, qui sont plus basses et qui sont plus accessibles, disons, à d'autres personnes qui sont moins savants que eux. Et il dit ces degrés là c'est de pouvoir faire le tarjih. Le tarjih c'est quoi? C'est lorsque tu regardes entre les paroles des ulama puis que tu mets ces paroles là à côté des preuves du Coran et de la Sunna et du Dalil pour voir quelle de ces paroles des ulama est plus proche de la preuve. Et tu fais le tarjih, c'est-à-dire tu vas faire en sorte de prendre la position qui est plus proche de la vérité parmi les positions des ulama. Et c'est ce qu'on appelle l'ijtihad dans le madhab. L'ijtihad à l'intérieur du madhab. C'est l'ijtihad dans le tarjih. Et il dit que la première forme d'ijtihad qu'on a mentionnée, celle des quatre imams, qui extrait les verdicts directement des textes, non pas le tarjih entre les paroles des ulama, ou entre le fait de prendre les paroles des ulama et différentes positions, puis que tu les mets à côté des ulama pour leur demander de... C'est-à-dire... Tu regardes les positions des ulama puis tu les mets par rapport au dalil, lequel est plus proche du dalil, puis tu prends sa position. Ça c'est ijtihad fi tarjih. Tandis que l'ijtihad des ulama qui extraient les ahkam directement des textes, ça on appelle l'ijtihad al-mutlaq. L'ijtihad al-mutlaq. L'awwal يسمى الاجتهاد المطلق وهذا لا يقوى عليه إلا فحول الأئمة الذين تتوفر فيهم شروط الاجتهاد أما الاجتهاد الجزئي والاجتهاد الترجيحي فهذا يقوى عليه من تمرس في طلب العلم وعرف الأقوال وأدلتها ولا يجتهد اجتهادا من عنده متكبرا وجديدا لا بل يتبع أقوال العلماء فيختار منها ما ترجح بالدليل وهذا يسمى الاجتهاد المذهبي وإن أخطأ فله أجر وهذا شاهد من الحديث وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران فدل على أن العالم المتبحر قد يخطئ. Donc la première catégorie d'ijtihad, c'est l'ijtihad al-mutlaq. C'est-à-dire, l'ijtihad mutlaq, c'est l'ijtihad qui est fait directement dans des textes. Le alim, il regarde dans le Coran, il regarde dans les hadiths, et il tire les versets de ces versets et de ces hadiths, le hukum de la sharia. Est-ce que c'est wajib? Est-ce que c'est mustahab? Est-ce que c'est mandoub? Est-ce que c'est makruh, est-ce que c'est haram, est-ce que c'est mubah, et ainsi de suite. Il le sait parce qu'il les regarde directement dans les textes, dans les hadiths, puis il possède les outils nécessaires et les connaissances nécessaires pour être capable d'extraire les verdicts de ces textes-là. Ça, c'est l'ijtihad al-mutlaq. L'ijtihad al-juz'i, ou bien l'ijtihad al-tarjihi, ça c'est lorsque tu n'as pas atteint ce degré dans la science, donc tu vas regarder les différents madhahib ou bien les différentes positions des ulama dans un madhab. Peut-être que dans le même madhab il y a plusieurs opinions. C'est pour ça que tu vois des gens aujourd'hui qui parlent de madhab, ils disent nous on est maliki, on est shafi'i, on est ci, on est ça. Ils disent on préfère suivre un madhab parce que on veut pas avoir trop de divergences. Et ils pensent que dans le madhab il y a pas de divergence. Dans le même madhab il y a des divergences. Même parmi les ulama d'un même madhab il y en a qui sont pas d'accord entre eux. Donc il faut tout, ça revient au même. Tu dois toujours faire le tarjih quand même. Tu dois chercher la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala dit فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Donc c'est ça l'ijtihad al-tarjihi ou l'ijtihad al-juz'i. Tu regardes les différentes positions des ulama et les preuves et tu essaies de voir laquelle est plus proche de la preuve, puis tu prends l'opinion qui est plus proche de la preuve, et c'est ça qui est correct. C'est un degré plus bas que le premier dans l'ijtihad. C'est pour ça les gens qui insistent qu'on est obligé, il y en a qui disent oh non, on est obligé de suivre un madhab, ils insistent là-dessus. Ils disent non, t'es pas un mujtahid mutlaq, donc t'es obligé de faire le taqlid. T'es obligé de faire le taqlid et de suivre un madhab. On dit non. Ça veut pas dire que t'es pas mujtahid mutlaq, que automatiquement t'es, yani, obligé de faire le taqlid. Le taqlid, ça veut dire quoi? Le taqlid, ça veut dire tu vas suivre la position de quelqu'un sans que sa parole, sans connaître son dalil. Tu vas suivre la position de quelqu'un parmi les ulama sans connaître son dalil. Et ça, c'est pas permis, excepté si quelqu'un, par exemple, est jahil, c'est un ami, il connaît rien du tout. Ouais, il va suivre le plus savant, celui qu'il considère comme étant le plus savant parmi les ulama, celui en qui il a confiance. Mais toutefois, s'il a un certain degré de connaissance, un talib ilm, qui a un certain niveau, il est capable de comprendre les adillah et de regarder les preuves, donc il fait le tarjih. Bon, je crois que je vais m'arrêter pour aujourd'hui ici, parce que je me sens particulièrement fatigué aujourd'hui, plus que d'habitude, et j'ai l'impression que je suis en train de me battre pour sortir chaque mot. J'ai peur de faire des erreurs à cause de la fatigue. Donc c'est comme quand tu conduis une voiture la nuit sur l'autoroute, puis que tu es en train de t'endormir. Le mieux, c'est de prendre une pause pour te reposer, puis après tu reprends la route. Sinon, tu risques de te retrouver dans le décor. Bon, on a quand même fait un bon bout. Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.